Et si je te fracassais la tête, hein? Si je te faisais sauter les lunettes, hein? Et si je te mettais minable, hein? Ou la tronche comme un cartable, hein? Avec ta petite gueule d'enculé, ouais, je suis sûr que t'es du genre à bien encaisser. Ouais, t'aurais l'air bien moins con après une bonne baston. Ouais, tu vas passer un mauvais quart d'heure. Tu risques de plus entendre battre ton petit cœur. Ouais, j'ai envie de t'emboutir, de te laisser sur le carreau. Et pour ça, je vais même te dire, je vais carrément te faire la peau. Allez, viens par ici, sale con. Ouais, que je te dégomme pour de bon. Ta-ta-ta.